vrai. Fragilité, café, femme. Tika, c'est pour un calorie. Oh, oh, oh, oh. Tika, c'est pour un calorie. Au téléphone, ou café, moi plané. Ou ni en voix qui si chaud. C'est vous, c'est moi aimé. Leur cap à l'aimé. Just love it.